bags for det der er sagt godt gang. Høj, høj, høj, høj. Dans l'auto avec deux spies, et c'est bête de vouloir venir tester. On sait mieux faire que des spots, et à chaque transaction y'a au moins 10 pièces. On les pousse, ils nous remboursent, pas même d'arrow pour eux tous. Y'a ceux qui se contentent des tchous, et d'autres qui t'allument pour devenir chaud. Sushi, bug, c'est des causes en chair sous le Porsche. Je me dépêche, faut pas que les feux que approche. On détaille plus haut comme maintenant, c'est la frappe qui parle. Import, export, transac, tu peux récupérer ton bénéf 3 fois avant de pousser. Je passe au chinois pour ma condense, sac je poche que des vins et des blocs, c'est bleu et orange dans ma sacoche. Meilleur moula, meilleur cache, ma mission ramener du cash, que du cash, beaucoup de cash, une dernière carotte et je me couche. Envoie une masse, j'en roule un autre. On resserre, moi j'en veux encore. Tu peux me voir dans le fond du set. Ou moi rabat dans le golf 7 terre. Attends, pause. Vite fait. Passe à l'épée, j'ai un peu de potion. Sois pas pressé à tomber avant de partir